بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, on va essayer de faire un dars récapitulatif et résumé, mukhtasar, de principales questions, des principales points du tawhid et de l'aqidah. On l'a fait plusieurs fois avec certains frères. On va essayer de le refaire aujourd'hui. Incha'Allahu ta'ala. Le premier point, et en fait ce qu'on va étudier ici, ce qu'on va expliquer ici, c'est l'islam ou l'iman. Comme vous le savez, par rapport au hadith Jibril qui est rapporté par Al-Bukhari ou Muslim, comme quoi l'islam ou l'iman, c'est deux choses. Les ulémas, ils ont cité une règle parmi Ibn Taymiyyah, Ibn Rajab, etc. etc. إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمعا. Ça veut dire quoi? Si on cite l'islam ou l'iman dans un même endroit, l'islam ça signifie une chose et l'iman ça signifie une autre chose. L'islam, de manière générale, ça signifie soit asl l'islam et les actes des membres, comme dans le hadith lorsqu'il a cité les cinq piliers de l'islam. D'accord? Et l'iman ça signifie la croyance du cœur. Et si jamais on cite soit l'islam seul ou soit l'iman seul, ça englobe tout le din, c'est-à-dire les cinq piliers de l'iman, les cinq piliers de l'islam, pardon, et les six piliers de l'iman. Donc ici, comme on les cite, on va les détailler chacun. Le premier, c'est l'islam. L'islam, il a une haqiqa, et ça, une réalité. Et c'est ça qu'il est important de savoir ici, c'est qu'on étudie al-haqa'iq. On n'étudie pas simplement al-alfaz, al-musammayat. On n'étudie pas simplement les termes. On étudie la réalité de ces termes-là. L'islam, il a une haqiqa. L'islam, il a une réalité. Et il a aussi un hukum. Ce qu'on appelle l'islam al-haqiqi et l'islam al-hukmi. On va voir. Là, on parle de l'islam al-haqiqa. Ou haqiqat al-islam. La réalité de l'islam. C'est-à-dire, c'est avec cela que tu vas rentrer au paradis. C'est avec cela que tu seras un réel musulman. Quant à l'islam, al-hukmi, c'est quoi? C'est l'islam qui fait que dans cette dunya, on considère la personne comme un musulman. Qu'est-ce que ça signifie cela? C'est comme vous savez, les gens ils sont de trois sortes, comme ça, au début de Surat al-Baqarah. Il y a le musulman, il y a le kafir, il y a le munafiq. Et il y a le munafiq. Et ces réalités, il est très important de les connaître, comme ils ont dit les ulama. Comme il a dit le Cheikh Abdullah ibn Abdurrahman Abba Boutayn rahimahullah ta'ala, وَمِمَّا يَتَعَيَّنُوا الْاِعْتِنَاءُ بِهِ مَعْرِفَةُ حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ لِأَنَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ ذَمَّ مَنْ لَا يَعْرِفْ حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ. Il est extrêmement important de savoir, ou c'est une obligation individuelle de savoir, de connaître les limites de ce qu'Allah, ou les définitions de ce qu'Allah a descendu sur son messager. Car Allah subhanahu a reproché à ceux qui ne connaissent pas les limites ou les définitions de ce qu'Allah a descendu sur son messager lorsqu'il a dit Al-A'rab wa shaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru an la ya'lamu hudud ma anzala Allahu ala rasulih. Il a reproché aux bédouins de ne pas connaître, d'être les pires en hypocrisie et en mécréance et de ne pas connaître les limites ou les définitions de ce qu'Allah a fait descendre à son messager. C'est-à-dire que la personne a une obligation pour lui de savoir c'est quoi la réalité de l'islam, c'est quoi la réalité de l'ibada, c'est quoi la réalité du shirk, c'est quoi la réalité du tarot, etc., etc. C'est ce qu'on va définir aujourd'hui. Les ulama, ils ont défini l'islam comme ceci. Ils ont dit l'islam, wa l'istislamu lillahi bit tawhid, wa l'inqiyadu lahu bit ta'a, wa l'bara'atu min ash-shirk wa ahli. L'islam, c'est le fait de se soumettre à Allah par le tawhid. Ici, ça exclut quoi? Ça exclut al-mushrik. Donc la personne qui fait le moindre shirk akbar, le moindre association à Allah majeur, il sort de l'islam directement, il ne rentre même pas dans la définition de l'islam. L'islam ou l'istislam lillahi bit tawhid, ou l'inqiyadu lahu bit ta'a, le fait de se soumettre à Allah par l'obéissance. Ici, se soumettre à Allah par l'obéissance, ça veut dire quoi? Ça veut dire jins al-amal ou jins al-ta'a. Ça veut dire que la personne, il doit dans sa vie se soumettre à Allah Azza wa Jal par l'obéissance. Il doit faire la salat, donner la zakat, faire le siyam, faire le hajj. S'il délaisse ses quatre piliers, Amali, s'il délaisse ses quatre piliers dans les actes des membres, il devient un kafir. Il n'est pas, on ne peut pas dire qu'il est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la troisième chose qu'ils ont citée, c'est la définition de Cheikh Mohammed Abdouhab dans le surat Thalatha, wal bara atu min ash-shirk wa ahli. Il faut que se désavoue du shirk et de ses gens. Donc le wala wal bara, il rentre dans haqiqatul islam, il rentre dans la réalité de l'islam. Celui qui ne renie pas le shirk, ce qu'on appelle al-kufr bit-taghut, qui ne renie pas les gens du shirk de manière générale, qui ne se désavoue pas des mouchriquins, cette personne-là, il n'est pas rentré dans la réalité de l'islam. Il n'est pas un musulman haqiqatan. Comment on connaît tout cela? C'est ce qu'on pourrait appeler asl-din. C'est ce qu'on pourrait appeler asl-din, la base du din. Wal-asl ma yubna alayhi ghayru. La base, c'est quoi? C'est ce sur quoi on bâtit quelque chose. Donc tout le reste de ton din, il est bâti sur cette chose-là. Comment on connaît ce asl-din? Kayfa yu'rafu asl-din? On le connaît par cinq choses. Awalan bi-ittifaq al-adyani alayh. On le connaît pourquoi? Parce que toutes les religions des prophètes sont toutes venues avec ce asl-là. C'est-à-dire toutes les religions de tous les prophètes, depuis Nuh alayhi salam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils sont venus avec cette chose-là. Ibn Taymiyyah a défini cela dans son kitab An-Nubuwwat à la page 127 en disant: قال ابن تيمية من استكبر عن عبادة الله لم يكن مسلما ومن عبد مع الله غيره لم يكن مسلما. Ici, c'est l'opposition. Les gens, ils s'opposent à la religion des prophètes et ils annulent la base de la religion par deux choses. Nous a dit Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, celui qui fait preuve d'orgueil, qui refuse par orgueil d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas musulman. Celui-là, c'est qui? C'est Iblis. Iblis, il a refusé une adoration. C'est quoi? Le fait de se prosterner devant Adam. Illa Iblis aba wastakbara wa kana min al-kafirin. Sauf Iblis, il a renié. Et il s'est enorgueilli et il a été parmi al-kafirin. Donc Iblis, lorsqu'il a refusé une seule adoration, il a été parmi al-kafirin. Et lorsqu'il a refusé d'appliquer l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala de se prosterner devant notre père Adam alayhi salam, il était parmi al-kuffar. Que dire alors de celui qui refuse de se prosterner devant Allah jalla wa ala et qui refuse d'accomplir les 5 salat? Celui-là, il est encore plus kafir, comme l'ont déduit l'imam Ahmed et l'imam Ishaq ibn Rahouya rahimahullah ta'ala, et c'est cité dans Jam' al-Hikam et dans l'Iman d'Ibn Taymiyyah. Il dit Ibn Taymiyyah, وَمَنْ عَبَدَ مَعَ اللَّهِ غَيْرَ لَمْ يَكُنْ مُسْلِمًا. Et celui qui adore un autre avec Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là n'est pas musulman. Donc les gens, leur mécréance, elle est de toutes sortes. Soit ils refusent d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, parmi eux ceux qui délaissent les quatre piliers de l'islam, soit ils adorent avec Allah un autre. C'est-à-dire ils adorent Allah. Certains même, ils adorent Allah jour et nuit. Et ils adorent avec lui d'autres que lui. On va voir de quelle manière là. Par exemple, ceux à notre époque qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala et qui même prétendent vouloir l'application de la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui ensuite applique les lois du Tahout ou se soumettent aux lois du Tahout ou prennent pour juge les lois du Tahout ou votent pour quelqu'un qui va appliquer les lois du Tahout, il a adoré un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a adoré Allah et il a adoré aussi un autre qu'Allah. Qu'est-ce qu'il dit Allah Azza wa Jal en parlant des prophètes? La in ashrakta la yahbatan 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatan 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin. Et Allah dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il t'a révélé à toi et à ceux qui étaient avant toi, la in ashrakta la yahbatan 'amaluka, si tu associes Allah, tout ton acte sera annulé. Il parle au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceux qui prétendent vouloir l'application de la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala ou l'état islamique et qui associent avec Allah subhanahu wa ta'ala en appliquant d'autres lois que la sienne ou en jurant de respecter les constitutions de la mécréance, comme le font les gens qui rentrent dans les parlements, ils ont annulé leurs actes et ils ont annulé toutes leurs bonnes actions et leurs soi-disant bonnes intentions. Le premier, donc, comment on connaît Asl-Din, comme quoi toutes les religions des prophètes sont unanimes ou sont en accord sur ce Asl-là. Deux, وهو أول واجب, que c'est la première chose qui est obligatoire pour la personne. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a envoyé Mu'ad au Yémen, il lui a dit فَلْيَكُنْ أَوَّلْ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْ أَنْ يُوَحِّدَ اللَّهُ, que la première chose à laquelle tu les appelles soit qu'ils unifient Allah, et dans une version أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهُ, qui ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala. La troisièmement, c'est la première chose qu'on demande à la personne. Pourquoi? Pour que son sang et ses biens soient interdits, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il m'a été ordonné de combattre les gens, tous les gens, an-nas, Ici, il y a Alif Wallam, fille de l'Umum. Le prophète Sassem lui a été ordonné de combattre toute la création. Jusqu'à quand? Hatta l'ilghaya, hatta yashhadu an la ilaha illallah, hatta yadkhulu fi tawhid. Jusqu'à ce qu'il rentre dans le tawhid et qu'il témoigne de la ilaha illallah. Rabi'an wa makana fil ahd al-makki. C'est ceux qui étaient à l'époque mécoises. Donc quand on regarde les sourates qui sont descendues à la Mecque, on trouve généralement Asleddin. Comme quoi? Comme par exemple, قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. Oh vous les mécréants, je n'adore pas ce que vous adorez. Ici, il y a Tawhid al-Ibada, il y a Al-Wala wal-Bara dans cette surah, et elle est descendue à la Mecque. Et de nombreuses surahs, parmi lesquelles Al-Nahl, etc., etc., Al-A'raf et d'autres, dans lesquelles on trouve le Tawhid, Tawhid Allah Azza wa Jal. Khamisan, wa ma yas'alu anhu fil qabr. C'est ce sur quoi tu seras questionné dans Al-Qabr. Hein, comme il est venu dans le hadith de Bara ibn Malik qui est dans le musnad de l'imam Ahmed dans le Bukhari au Muslim, Man Rabbuk, Man Dinuk, Man Nabiyuk, sallallahu alayhi wa sallam, qui est ton Seigneur, quelle est ta religion et qui est ton prophète. Donc le premier élément de Asluddin, le premier élément de Asluddin qu'on a cité, c'est quoi? C'est le Tawhid. La personne qui veut rentrer dans l'islam, il doit se soumettre à Allah par le tawhid. Le tawhid ici, qui fait rentrer dans Asreddin, qui fait rentrer dans l'islam, c'est obligatoire qu'il est interdit d'ignorer, c'est ce qu'on va, on va le citer par la suite. Le but de savoir Asreddin, c'est que c'est une chose qu'il est obligatoire d'apprendre, et la personne, s'il l'annule, il ne sera pas excusé par son ignorance. La première chose, c'est quoi? C'est tawhid al-rububiyya. Tawhid al-rububiyya, ce qu'on appelle le tawhid al-ilmi al-khabari. Tawhid al-rububiyya, le tawhid, l'unicité dans la seigneurie, ce qu'on appelle le tawhid dans la science et dans l'information. C'est un tawhid de ilm, c'est un tawhid de science, c'est un tawhid d'information. C'est ifrad Allah bil khalq wal ihya wal imana wal imata wal rizq. Le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala par la création, par le fait de faire vivre, de faire mourir et par le rizq. C'est ça, tawhid al-rububiyya. C'est-à-dire que tu dois avoir la certitude et la croyance qu'Allah est le seul créateur, le seul pourvoyeur, celui qui vivre, celui qui fait vivre, celui qui fait mourir, celui qui sait toutes choses, l'ilm. Et tu dois savoir, et ça fait partie d'un message al-zahira, et certains le font rentrer dans des questions liées à la fitra, à la saine nature, on va le citer par la suite, c'est le fait de croire qu'Allah est au-dessus de toutes choses. On voit que dans tous les livres, et si on prend la définition d'Asluddin qu'on a cité précédemment, toutes les religions des prophètes sont toutes unanimes pour dire qu'Allah est au-dessus de toutes choses. Même certains ulama comme Hafid al-Hakami et d'autres, ils ont cité dans le livre de Aqida comme quoi même les animaux savent qu'Allah est au-dessus de toutes choses. Et lorsqu'il arrive une calamité chez des animaux, par exemple un feu ou quoi que ce soit, tous les animaux lèvent leur tête vers le ciel et invoquent leur Seigneur Azza wa Jal. Donc tout le monde doit savoir qu'Allah est au-dessus de toutes choses. Contrairement aux sectes actuelles comme l'Asha'ara, l'Jahmiya, l'Maturidiya, certains disent qu'Allah est dans toutes choses, en tout endroit, fi kulli makan, c'est un kufr akbar mubin. Et le deuxième, ils disent qu'Allah existe sans endroit, la makan, et c'est aussi un autre kufr. Allah est au-dessus de toutes choses. Ar-Rahman ala al-Arsh istawa, ala wa artafa'a, comme qu'a dit Ibn Abbas wa rawahu Ibn Jarir al-Tabari. Ibn Abbas a dit comme quoi Ar-Rahman al-Arsh istawa, Allah Ar-Rahman s'est établi au-dessus du trône, c'est-à-dire il s'est élevé au-dessus du trône, subhanahu wa ta'ala. Et comme vous le savez tous, le trône est au-dessus des sept cieux et Allah est au-dessus du trône. Donc Allah est au-dessus de toutes choses. Dans le hadith de Muslim, il a demandé à une jariya, à un enfant, une esclave, une jeune fille, et lui a demandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour savoir si son maître Muawiyah ibn al-Hakam pouvait la franchir. Il lui a dit Aïn Allah, qalat fi sama. Où est Allah? Il lui a dit Allah est au-dessus du ciel. Et le deuxième tawhid qu'il faut connaître, qu'il faut pratiquer pour entrer dans l'islam, c'est tawhid al-ibada, le fait d'unifier Allah par l'ibada. Le premier, c'est un tawhid, tawhid Allah bi-af'ali, c'est le fait d'unifier Allah, tawhid al-rubiya, par ses actes à lui, subhanahu wa ta'ala. La création, c'est un acte d'Allah, subhanahu wa ta'ala. L'ilm, c'est un attribut d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le fait d'être au-dessus de toutes choses, c'est aussi un attribut d'Allah. Ici, c'est notre tawhid à nous, entre guillemets, tawhid al-ibada, c'est-à-dire que c'est nos actes à nous qu'on doit unifier pour Allah Azza wa Jal. Et certains ulama, ils ont défini l'ibada, comme Ibn Taymiyyah rahimahullah dans l'Ubudi, en disant « Wa ismun jama' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwali wa al-af'al al-zahira wa al-batina ». C'est un nom général, l'ibada, qui englobe tous les actes qu'Allah aime et agrée, parmi les actes intérieurs, c'est-à-dire du cœur, et les actes extérieurs, c'est-à-dire les actes des membres. C'est ça l'ibada. C'est-à-dire que tous les actes qui sont purement pour Allah Azza wa Jal, tu dois les donner exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Les actes qu'on donne vers Allah Azza wa Jal, les ulama ils les ont définis. Certains les ont définis de telle manière. Ils ont dit l'ibada elle est soit par le cœur. Elle est soit par le cœur, l'ibadatul qalbiyya. Comme par exemple celui qui aime Allah subhanahu wa ta'ala, qui craint Allah azza wa jal, qui place sa confiance en lui. Tout ça, c'est des actes du cœur. L'ibadatul qawliyya, les adorations de la langue ou de la parole. Comme par exemple le fait d'invoquer Allah, ad-du'a, le fait de faire le tasbih, le tahmid, le qira'atul Qur'an. Tous ces actes-là, ils doivent être faits exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ou l'ibadatul amaniyya, les actes des membres, comme par exemple le sujoud que vous faites dans la salat, ou le ruku' ou le dhabh, le fait de sacrifier pour Allah subhanahu wa ta'ala, ou le tawaf. Il faut comprendre une chose, c'est que quand on dit que l'ibadat, les adorations, elles sont soit par le cœur, soit par les membres, soit par la langue, il faut comprendre que la base de tout cela, c'est le cœur. Toutes les choses, toutes ces ibadas, elles arrivent par les membres, par un mouvement, une haraka, qui a lieu dans le cœur, qui est poussé par trois choses. Qui est poussé par trois choses. C'est comme une machine. Le cœur, il aime Allah, subhanahu wa ta'ala. Il craint Allah et il se soumet à Allah. Al-mahabbatu, wal-khawf, wal-dhul. C'est ça l'ibada. Lorsque le cœur, il a ces trois choses qui sont rassemblées, il fait un mouvement qui fait que les adorations, ensuite, elles sortent littéralement de la bouche ou des membres. C'est ce qu'on appelle l'ilaqa bayna al-dhahiri wal-batin, le lien entre l'intérieur et l'extérieur, entre les actes du cœur, entre les actes du cœur et les actes des membres. C'est ce que al-sunnati wal-jama'a, c'est l'une des plus grandes différences entre nous et les murji'a, appelle at-talazum bayna al-dhahiri wal-batin. Et la preuve de cela, il y a de nombreux versets de hadith, on n'en cite qu'un, le hadith de Nu'man ibn Bashir, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ala inna fil jasadi mudgha, idha saluhat saluhal jasadu kullu, wa idha fasadat fasadal jasadu kullu. Il y a dans le corps un organe, s'il est bon, tout le corps est bon, et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. Ça veut dire qu'une personne qui fait le shirk ou le kufr, ou qui délaisse l'ibad, et qu'on dit ouais, mais moi j'ai la foi dans le cœur, c'est un menteur. Soit la sunnati wal jama'a, c'est un kafir, un, et c'est un menteur, deux. Pourquoi? Parce que s'il avait la foi dans son cœur, ça le pousserait à faire des actes de bien et à faire les actes de cette foi. Et c'est pour ça qu'Ahle Sunna, ils font le takfir et ils sortent de l'islam, celui qui délaisse les actes. Pourquoi? Parce que ça implique qu'il n'a pas la foi dans son cœur. Et on fait son takfir pas en disant il n'a pas la foi dans son cœur, donc on le kafar. Non, le kafar à cause de ces actes-là. D'accord? Très important. Il dit Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dans Majmou' al-Fatawa, le volume 17, la page 273. فالظاهر والباطن متلازمان لا يكون الظاهر مستقيما إلا مع استقامة الباطن وإذا استقام الباطن فلا بد يستقيم الظاهر. Et Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, les actes apparents et les actes intérieurs sont mutalazimen, sont indissociables. Ils sont indissociables. Pourquoi? Si l'apparent est droit, ça veut dire que le cœur est droit. Et si l'intérieur, le cœur est droit, il faut forcément que l'extérieur ou les actes des membres soient droits. Donc si la personne, il a le cœur rempli de tawhid et de iman, il va faire les actes de tawhid et de iman. S'il a le cœur qui est rempli de kufr et de shirk, il fera des actes de kufr et de shirk. Wallahu al-musta'an. Al-ibada, on a défini l'ibada en disant l'ibada, elle est soit du cœur, soit de la langue, soit des membres. On a défini un peu. Certains, ils ont dit que l'ibada, c'est le lien qui est entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Et que ce lien qui est entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala, il est sous trois aspects. Le premier, c'est un lien qui est directement entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala, des adorations, comme quoi Allah azza wa jalla a légiféré le lien qui est entre toi et lui, ce qu'on appelle le nusuk, les actes de dévotion. Al-ibadat al-nusukiyya, les actes de dévotion. Par exemple, la dua. La dua, c'est quelque chose qui concerne quoi? Toi et Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu l'invoques et il te répond. Tu dois l'adorer seul en l'invoquant et en n'invoquant pas un autre que lui, subhanahu wa ta'ala. D'accord? Il y a une autre adoration. C'est Allah Azza wa Jal, le lien qu'il a fait et par lequel tu l'adores entre toi et les choses de la création ou les hommes. C'est ce qu'on appelle ifradullahi bil-hukum. C'est-à-dire que dans la création, tout a un hukum d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ce tapis, il a un hukum, c'est l'ibaha. Tout a un hukum. Ça veut dire que là, tu adores Allah subhanahu wa ta'ala en unifiant Allah subhanahu wa ta'ala et en acceptant le jugement d'Allah qu'il a donné sur les choses. Vous comprenez ce que je veux dire? En autorisant ce qu'Allah il a autorisé et en interdisant ce qu'Allah il a interdit. Et le troisième lien, c'est le lien qu'il a voulu par lequel tu adores Allah azza wa jalla entre toi et les autres. C'est ce qu'on appelle al-wala. Tu t'allies avec ceux Allah, avec ceux qui Allah a voulu que tu t'allies, et tu te désavoues de ceux qu'Allah a voulu que tu désavoues. Ifradallah bil-wala wal-bara. Donc le tawhid ou l'ibada, pardon, l'ibada implique trois choses. Ifradallah bil-nusuk, le fait d'unifier Allah par les actes de dévotion. Ifradallah bil-hukum, le fait d'unifier Allah par le jugement. Et ifradullah bil wala wal bara, le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala par al wala wal bara, l'alliance et le désaveu. Et là vous avez vraiment asl-din, la base du din, c'est-à-dire la chose par laquelle sont venus tous les prophètes. Si tu lis le Coran du début jusqu'à la fin, tu verras que tous les prophètes sont venus avec cette chose. Tu verras que les liens qu'il y a, la da'wa des prophètes et les liens qu'il y a eu avec leur peuple et toute la haraka, tout le mouvement qu'il y a entre et l'affrontement qu'il y a entre le prophète et leur peuple, c'est quoi? C'est sur ces trois choses. Et ces trois tawhid, ou ces trois éléments de l'ibada, ils ont chacun des annulations. Ainsi, si on dit que adorer Allah, c'est unifier Allah par les actes de dévotion, comme l'invocation, comme le sacrifice, comme le tawaf, toute personne qui invoquera un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il aura annulé son tawhid et sera tombé dans le shirk akbar. Toute personne qui prendra pour juge un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui suivra une loi autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il aura annulé son tawhid et il sera tombé et il sera parmi al-mushrikin. Ou de même, une personne qui aura brisé cette alliance, ce désaveu, en s'alliant avec les gens qu'Allah a voulu que tu désavoues, en se désavouant des gens qu'Allah a voulu que tu t'allies avec eux, il aura annulé ce tawhid. Al-nusuk, c'est facile. Le Cheikh Mohamed Abdouhab, il a dit, subhanahu wa ta'ala, après avoir cité toutes les sortes d'invocations, il a dit, وَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْءًا لِغَيْرِ اللَّهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ. Toute personne qui donne une adoration qui est purement pour Allah, subhanahu wa ta'ala, comme l'invocation, comme le tawaf, comme le sacrifice, comme d'autres adorations, il la donne à un autre qu'Allah, فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ. Il est directement mushrik et kafir. Pourquoi? Parce que ça, c'est la base de la religion. Tous les prophètes, ils sont venus avec ça. C'est ça, la base de l'islam. Si tu détruis cette base, tu n'as plus de islam. Comme il a dit, subhanahu wa ta'ala, هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. C'est lui qui vous a créé. Parmi eux, il y a le mu'min. Parmi vous, il y a le kafir. Il n'y a pas de choses intermédiaires. Et comme ils ont dit les ulama, ils ont dit التوحيد والشرك ضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان. Le tawhid et le shirk sont deux contraires qui ne se rencontrent jamais. Donc la personne, il est soit dans le tawhid, soit dans le shirk. Il ne peut pas être dans les deux. Il ne peut pas être à la fois muwahhid et mushrik. Comme il a dit Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il a une parole très connue. ولهذا كان كل من لم يعبد الله فلا بد يكون عابدا لغيره يعبد غيره فيكون مشركا وليس في بني آدم قسم ثالث بل إما موحد أو مشرك أو من خلط هذا بهذا كالمبدلين من أهل الملل والنصارى. Il dit donc dans Majmou' al-Fatawa, le volume 14 de la page 282, il dit, toute personne qui n'adore pas Allah, il faut qu'il adore un autre que lui. Il adore un autre que lui et il devient mushrik. Il n'y a pas chez les fils de Adam une troisième sorte. Soit mouahid, soit mouchrik. Soit mouahid, soit mouchrik. Est-ce que ça s'oppose à ce qu'on a dit précédemment sur le muslim, le kafir, le munafiq? Non, pourquoi? Parce qu'ici on parle de l'haqiqa auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le muslim, c'est celui qui adore Allah seul et qui se soumet à la loi d'Allah, qui ne se fait pas preuve d'orgueil et qui ne refuse pas les ordres d'Allah. Le mouchrik, le kafir, c'est celui qui soit adore un autre qu'Allah, soit on l'a dit, celui qui refuse d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Munafiq, dans cette dunya, il est musulman. Pourquoi? Parce que lui, il montre l'islam. Et à l'intérieur de son cœur, entre lui et Allah, yakfur billahi azza wa jal, yubtin al-kufr. Donc ici, il ne rentre pas dans ce qu'on vient de citer. Il rentre directement dans le kafir. Vous voyez ce que je veux dire? Et le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit dans son explication de Asl al-Din, فَمَنْ فَعْلَ الشِّرْكِ فَقَدْ تَرَكَ التَّوْحِيدِ فَإِنَّهُمَا ضِدَّانِ لَا يَجْتَمِعَانِ وَلَا يَرْتَفِعَانِ. Il dit, celui qui commet le shirk, il a délaissé le tawhid. Car ils sont deux inverses qui ne se rencontrent jamais, qui ne se rencontrent jamais. Lorsqu'on dit qu'il faut unifier Allah Azza wa Jal par le jugement, comment il est annulé cette unification Allah Azza wa Jal par le jugement? Par trois choses. Soit at-tashri' ma Allah, soit le fait de légiférer avec un autre à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire de rendre permis ce qu'Allah il a interdit ou rendre interdit ce qu'Allah il a permis. Soit juger par une autre loi que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, ici il prend la loi d'un autre et il l'applique en place de la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça annule le tawhid. Et la troisième sorte, c'est quoi? C'est prendre le jugement d'une autre loi que celle d'Allah, c'est-à-dire quoi? Ramener le désaccord entre deux personnes ou plus vers une autre loi que celle d'Allah Azza wa Jal. At-tahakum ila ghayrillah, at-tahakum ila at-taghut. Le premier, il y a ijma sur cette question-là, sur la question du tashri'. Allah Azza wa Jal dit dans Sourate Shura, Am lahum shuraka ou shara'u lahum min ad-din, ma lam ya'dhan bihi Allah. Ont-ils des associés qui leur légifèrent dans la religion ce qu'Allah n'a pas légiféré? C'est dans Sourate Shura. Et dans Sourate Al-Kahfi dit, Wa la yushriku fi hukmihi ahada. Et il n'associe personne dans son jugement. Donc toute personne qui légifère en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est un kafir mushrik et un tarot qui s'est approprié le droit d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qu'on retrouve dans toutes les religions de la mécréance actuelle, comme l'ilmaniya, la laïcité. La laïcité, sa définition, c'est quoi? Fasl bayn ad-din wa ad-dawla. C'est le fait de séparer entre la religion et les affaires de l'État. Ça, c'est de la mécréance claire qui annule asl ad-din. C'est-à-dire toute personne qui dit je suis laïque ou qui est laïque en réalité, cette personne-là, c'est un mushrik kafir. Il n'a aucune excuse. La deuxième sorte qui vient annuler ce tawhid-là, c'est ad-démocratie, la démocratie, qui donne le droit de légiférer au peuple. Hukm al-sha'b lish-sha'b. C'est le fait que le peuple se juge par lui-même, c'est-à-dire c'est lui qui légifère par lui-même. Et ça annule asl ad-din. Donc toute personne qui pratique la démocratie, qui participe à la démocratie, qui appelle à la démocratie, en sachant sa réalité, c'est un mushrik kafir qui a annulé asl ad-din, et c'est un mu'min bit-tahout kafir billah azza wa jal. Ibn Taymiyyah dit à ce propos, والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. Dans le volume 3 de Majmou' al-Fatawa, il dit, et l'homme, lorsqu'il interdit ce que Allah a autorisé à l'unanimité, ou qu'il autorise ce qu'Allah a interdit à l'unanimité, ou qu'il change la législation d'Allah qui fait unanimité, il est un kafir, un mécréant, apostat, à l'unanimité des fuqaha, c'est dans Majmou' al-Fatawa, le volume 3. Donc ici, il nous parle du tashri'a. Il nous cite ijma' fi ijma' fi ijma'. Comme quoi, il y a unanimité sur la mécréance d'une telle personne. Après le tashri'a, on a dit al-hukum ghayr manzala. Cette question ne fait pas divergence. Une personne qui légifère avec un autre qu'Allah ou qui accepte la législation d'un autre qu'Allah ou quoi que ce soit, cette personne-là, il est mushrik kafir à l'unanimité, comme ceux qui participent à la démocratie ou quoi que ce soit. La deuxième chose, le fait de juger par une autre loi que celle d'Allah, comme Allah Azza wa Jalla a dit, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Et ceux qui jugent par autre que ce qu'Allah a révélé, ceux-là sont les mécréants. Ici, la base de ce ayah, c'est la mécréance majeure, contrairement à ce que disent certains. Pourquoi? Parce qu'il est descendu sur Bani Israël, il est descendu sur les Juifs, à Médine, comme c'est rapporté dans Sahih Muslim, Sunan Abi Daoud et Musnad al-Imam Ahmad, c'est rapporté dans un livre de Tafsir, comme Ibn Kathir ou Ibn Jarir, comme quoi, il est descendu sur les Juifs lorsqu'ils ont changé une peine prescrite, c'est-à-dire qu'ils ont annulé, la peine de la lapidation du fornicateur. Ils ont remplacé la lapidation par une autre peine qu'ils ont décidée entre eux, qui est le fait de noircir le visage de la personne et de le mettre sur un âne à l'envers et de le promener partout dans la ville, c'est-à-dire de le fdah. D'accord? Ils ont changé une peine d'Allah subhanahu wa ta'ala et Allah il a fait descendre. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Et ceux qui ne jugent pas par ce qu'Allah a révélé, ceux-là sont les mécréants. Ici, ça, c'est la première chose qui prouve que ce verset, il concerne la mécréance majeure. C'est la cause de la révélation. Sabab al-Nuzul. Le deuxième, c'est quoi? C'est qu'ici, il a utilisé Al-Kafirun, Alif wal-Lam. Lorsque dans les textes du Coran, la Sunna, on trouve le kufr, Mu'arraf, bi Alif wal-Lam, défini par Alif wal-Lam, la mécréance, les mécréants, etc., etc. Ça signifie la mécréance majeure qui expulse son auteur de la religion, comme il l'a cité Ibn Taymiyyah dans le Kitab al-Iman, il l'a cité aussi dans le Sirat al-Mustaqim, il l'a cité dans Sharh Amdat al-Fiqh. Et la preuve, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit « Bain al-rajul wa bain al-shirki wal-kufr tark al-salah » entre l'homme d'une part et la mécréance, al-shirk, l'association al-shirk wal-kufr, et la mécréance, il y a le fait de délaisser la salat. Et ici, c'est la mécréance majeure à l'unanimité des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La troisième chose qui annule le tawhid dans le jugement et la législation, faradallahi bil hukum, c'est le fait de trancher un désaccord devant une autre loi que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il a dit Allah azza wa jalla dans le verset 60 de Surat al-Nisa, ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك؟ N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire en ce qui a été descendu sur toi et en ce qui a été descendu avant toi? يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. Ils veulent prendre pour juge le طاغوت. وقد أمروا أن يكفروا به. Alors qu'on leur a ordonné de mécroire en lui. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. Et le شيطان veut les égarer loin dans l'égarement. Ici, toute personne qui ramène un désaccord devant une autre loi que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans une chose qu'Allah a légiférée, il est un kafir mushrik et sa foi elle a été démentie par ce verset d'Allah qui sera récité jusqu'au jour de la résurrection. Donc si une personne veut trancher dans une affaire de mariage, de divorce, dans une affaire d'héritage, ou d'autre que cela, parmi les choses qu'Allah a légiférées et dans lesquelles il a donné un jugement et qui ramène ça devant un tribunal du Tahout sans être sous la contrainte, et c'est la seule excuse, la contrainte, l'ikrah al-haqiqi, dans ce cas-là, il devient mushrik kafir. Je lisais hier une fatwa, sachez que dans le fatwa al-ha'iriya, le cheikh Nasser al-Fahd, qui fait partie des chouyours des mujahidines dans la péninsule arabe, Nassallah al-Fukasa, il a dit que si une personne revient en jugement aux lois de la FIFA, en dehors des lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, en ce qui concerne même le simple jeu de foot, c'est un mushrik kafir. Comme, parce que les lois d'Allah azza wa jal, elles disent que si tu mets un coup à ton frère et que tu lui casses une jambe, par exemple, il y aura al-qisas, ou il y aura al-diya, etc., etc., en fonction. Alors que la FIFA a dit que tu auras un carton rouge. Et ça, c'est un changement évident de la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un hukum tarud. Toute personne qui prend le hukum tarud à la place du hukum Allah azza wa jal, c'est un mushrik kafir. Donc le tahakum, il rentre dans des choses qu'on ne soupçonne pas. Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il a rapporté dans Siyasa al-Shar'iyya, salam rahmatullah al-Kato, de tous les compagnons, comme quoi toute personne qui juge entre deux personnes est un qadi. Même celui qui juge entre des enfants dans des jeux. Et il l'a cité dans Siyasa al-Shar'iyya, je peux vous donner la page, c'est dans le volume 28 de Majmou' al-Fatawa. En ce qui concerne al-wala ou al-bara, faradallah bil-wala ou al-bara, c'est ce qu'on appelle al-kufr bil-tahud. Vous savez que tous les prophètes ont été envoyés avec cela, c'est-à-dire le fait de ne croire au tahud et de croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla dit dans surat al-Nahl, les abeilles, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَاشْتَنُوا فِي الطَّاغُوتِ. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire: adorez Allah et écartez-vous du tagout. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit: فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Et celui qui mécroit au tagout et qui croit en Allah, il a saisi l'anse la plus solide. Et les savants des salaf dans le tafsir, comme c'est cité d'Ibn Kathir, ils disent que l'urwatu al-wuthqa, la ilaha illallah, l'anse la plus solide ici c'est la ilaha illallah. Donc la ilaha illallah c'est quoi? C'est le kufr bit-tagout wa l'iman billah, le fait de mécroire au tagout et de croire en Allah. Les ulama, ils ont dit que le tagout, il était de trois sortes: طاغوت العبادة وطاغوت الطاعة وطاغوت المتابعة. الطاغوت dans l'adoration, hein, c'est toute personne qui appelle les gens à l'invoquer en dehors d'Allah, comme on vient de citer précédemment, à l'invoquer en dehors d'Allah, à sacrifier pour lui en dehors d'Allah, à se prosterner devant lui en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un tagout dans l'adoration. Le tagout dans le mutaba'a, c'est celui qui est suivi en dehors du suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme les savants du mal Et Tahout al-Ta'a, c'est ce qu'on a cité précédemment, Tahout al-Hukum, le Tahout dans le jugement, c'est celui dont on prend la loi en dehors d'Allah Azza wa Jal, comme les présidents, comme les parlementaires, comme les gens qui écrivent les lois en dehors d'Allah Azza wa Jal. Le Tahout, ça peut être un homme, ça peut être une idéologie aussi, comme on a cité précédemment. Al-Ilmaniya, la laïcité, Al-Démocratiya, Al-Ba'thiya, le parti Ba'th. Aujourd'hui, le PKK, par exemple, dans ce pays ici, ce sont des tawarites, des choses qui sont adorées en dehors d'Allah. Soit ils sont adorés par Al-Hukum, le fait qu'on prend leur jugement en dehors du jugement d'Allah, subhanahu wa ta'ala, soit ils sont adorés par Al-Wala. On les prend pour allier, on s'allie, on se désavoue sur ces idéologies. Les gens, ils s'allient, se désavouent sur l'idéologie. Parmi les tawarites, il y a le nationalisme. Si la personne il s'allie, se désavoue sur une nationalité en particulier, c'est-à-dire si la personne est égyptienne, c'est son frère, même si c'est un chrétien, et s'il est d'un autre pays, c'est son ennemi, ça n'est pas son frère, même s'il est le meilleur des musulmans, et c'est ça le nationalisme. Comme il disait, « Watani yuqaddimuhu ala kulli milla, min ajliha asum, min ajliha uftir. » Parmi les choses nationalistes qu'on a prenait par exemple en Syrie ou en Irak, sous les pays de Hizb al-Ba'th, ils disaient ça, « Ma patrie, je la fais passer avant toutes les religions. Pour elle, je jeûne, et pour elle, je rends mon jeûne. » C'est ce qu'ils apprenaient les enfants à l'école. Tout cela sont des tawarites. La personne, il souhaite se désavouer. Comment on mécroit au tarot? Il dit le Cheikh Mohamed Abdouhab, rahimallahu ta'ala, et il donne cinq choses par lesquelles on mécroit au tarot et on mécroit à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala, comme les tombes, les croix, la démocratie, les lois pratiquées en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. On l'a dit, la démocratie, le nationalisme ou la laïcité. Comment on mécroit au tarot? En ta'taqid butlan ibayati ghaylillah, wa tatrukuha. Cinq choses. Que tu crois que tout le tawarit, tout ce qui est adorant dehors d'Allah est nul. Que tu délaisses cette chose-là. Tu délaisses la démocratie, le nationalisme, la laïcité, etc. etc. l'adoration des tombes, la religion des rawafid, etc. etc. Que tu détestes toutes ces choses-là. Que tu déclares mécréants tous les gens qui pratiquent ces religions de mécréance. Et que tu les prennes pour ennemis. C'est la religion d'Ibrahim qu'il a définie dans Surat al-Mumtahana lorsqu'il a dit « قَدْ كَانَتْ لَكُمْ سُوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ » Vous avez certes un bon exemple à suivre à Ibrahim et à ceux qui étaient avant lui lorsqu'ils disent « إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ » Nous vous désavouons, vous et ceux que vous adorez en dehors d'Allah, c'est-à-dire ces désavoués des mushrikins, avant de se désavouer de ceux qu'ils adorent en dehors d'Allah, كفرنا بكم ومكروان فو أي اعتقدنا كفركم مكروان فاتخ مكرياس وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده et entre nous et vous l'inimité et la haine sont apparues jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. Et c'est ça la définition du kufr بالطاغوت dans le Coran. Ce verset là il vient expliquer le verset فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى والله أعلم صلى الله على نبينا محمد. C'est donc comme cela que la personne doit me croire au tarot. Si la personne ne me croit pas au tarot, il n'a pas cru à Allah Azza wa Jal. Elle kofre au tarot ou même billah, mutalaziman. Salam wa rahmatullah. Mutalaziman. Ils sont inséparables. La personne ne croit pas à Allah jusqu'à ce qu'elle ait me cru au tarot. Elle ne peut pas me croire au tarot sans croire à Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuma mutalazimani. تلازمان مطلقا. On a vu que le kufr بالطاغوت ومن بالله c'était la réalité de la ilaha illallah. De même les ulama ils ont cité que la ilaha illallah pour qu'il soit valable il a des conditions, shurut. وإذا فقدت هذه الشروط فقد لا إله إلا الله. Si ces conditions ne sont pas présentes, la ilaha illallah n'est pas présent. Et ils les ont déduits du Coran et de la Sunna, et ils en ont déduit sept, que nous citons de manière résumée. La première, c'est l'ilm. L'ilm ou bima'na. La personne qui ne connaît pas le sens de la ilaha illallah, comment peut-il avoir réalisé la ilaha illallah? Et tu ne peux pas témoigner d'une chose sans en avoir la connaissance. Si on te demande de témoigner devant un tribunal, il faudra que tu saches réellement de quoi tu témoignes. L'histoire, est-ce que tu as été témoin de l'action? Est-ce que tu étais là? Est-ce que tu en as une... Il faut que tu en aies une connaissance parfaite. Sinon, comment tu pourras témoigner? De même pour la ilaha illallah. Lorsque tu témoignes de la ilaha illallah, il faut que tu en aies une condition parfaite et que tu saches ce que ça signifie. Ibn Sahman il a dit dans un poème: فلو كان ذا علم كثير وجاهلا بمدلولها يوما فبالجهل مرتد. Il dit: si la personne a beaucoup de science mais qu'il ignore le sens de la ilaha illallah, il sera par cette ignorance un murtad, un apostat. C'est ce qu'il dit dans un poème. Donc la personne qui ignore la réalité de la ilaha illallah, c'est un kafir. S'il dit la ilaha illallah ma'a dhalik, fa huwa murtad. C'est un apostat qui ne sait pas la réalité de ce qu'il prononce. Allah Azza wa Jalla dit dans Sourate Muhammad: fa'alam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dhanbik. Et ici, on a une des plus grandes réponses à ceux qui prétendent al-udhru bil-jahl fi tawhid. L'excuse de l'ignorance dans le tawhid. Comment l'ignorance pourrait être une excuse dans le tawhid et la science pourrait être une condition de la ilaha illallah? C'est une contradiction dont la personne ne pourra jamais sortir. Donc les murji'a, les jahmiya, les gens qui enseignent les conditions de la ilaha illallah en disant la première condition de la ilaha illallah est l'ilm, comme ils le font tous, sans savoir ce qu'ils disent, et qui ensuite disent mais l'ignorance est une excuse dans le shirk, ils ont dit quelque chose qui est non seulement illogique, complètement contradictoire, mais en fait c'est comme s'ils étaient dénués de toute raison. Pourquoi ? Une personne ne peut pas être la science ne peut pas être une condition et l'ignorance, et en même temps l'ignorance être une excuse. C'est pas possible. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui qui meurt en témoignant en sachant que la ilaha illallah, il rentre au paradis. Mafhum al-mukhalafa: man mata wa yajhalu an la ilaha illallah dakhala an-nar. Celui qui meurt tout en ignorant la ilaha illallah, il rentre en enfer. Ils ont cité comme condition aussi al-yaqin, la certitude, sans aucun doute sur le sens de la ilaha illallah, al-ikhlas, le fait de vouer un culte pur à Allah, azza wa jal, al-munafi al-shirk, qui s'oppose au fait d'associer à Allah subhanahu wa ta'ala, was-sidqu, le fait d'être véridique dans le fait de dire la ilaha illallah, al-munafi lin-nifaq, qui s'oppose à l'hypocrisie, c'est-à-dire que lorsque la personne elle dit la ilaha illallah, elle croit au sens de la ilaha illallah, pas comme al-munafiqin qui disent la ilaha illallah alors que leurs cœurs sont pleins de shirk et de kufr. Khamisan al-mahabba, le fait d'aimer la ilaha illallah et d'aimer les gens de la ilaha illallah et de détester les gens du shirk et de se désavouer d'eux. Sadisan al-qaboul, le fait d'accepter tout ce que implique la ilaha illallah comme croyance et comme acte. Sabi'an al-inqiyad, le fait de se soumettre aux droits, aux hukouq de la ilaha illallah en faisant les obligations et en délaissant les interdictions. Parmi les plus grandes obligations, les piliers de l'islam, les quatre piliers de l'islam, l'amaliyah, salat, al-zakah, al-siyam, al-hajj. Tout comme la ilaha illallah. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout comme la ilaha illallah a des conditions, la ilaha illallah et asl-din a aussi des annulations. Et les ulama, ils en ont cité 10 qui font unanimité. C'est pour ça que le cheikh Mohamed Abou Hab, il a cité ces 10, car elles font unanimité. Elles sont mujma' alayha. Donc une personne ne vient pas nous dire: ouais, mais il y a divergence sur telle annulation, ou quoi que ce soit. On les cite de manière résumée lorsqu'il dit que la première annulation d'islam, c'est le shirk dans l'adoration. Et on a déjà défini et détaillé de manière très résumée ce qu'était le shirk dans l'adoration. La deuxième annulation de l'islam, من جعل بينه وبين الله وصائط يدعوهم ويتوكل عليهم كفر إجماعا. Celui qui met entre lui et Allah des intermédiaires, celui qui invoque d'autres qu'Allah, hein, et qui prend des intermédiaires entre lui et Allah dans l'invocation ou dans le sacrifice et qui les adore en dehors d'Allah, celui-là il a mécru à l'unanimité, comme c'est cité par Ibn Taymiyyah dans ses livres, et ça a été repris par les savants du madhhab al-Hanbali comme Mansour al-Bahouti, donc le chef al-Qina. La troisième annulation de l'islam, elle est liée au kufr de Tahout, à ce qu'on a cité précédemment. Mais la mukafir al-mushrikin, ou shaka fi kufrihim, ou sahaha madhabahum, kafara. Celui qui ne rend pas mécréants les associateurs. C'est-à-dire, il ne rend pas mécréants les gens du shirk. Ou shaka fi kufrihim. Ou même, il doute de leur mécréance. En la yajzim, il doute. Ou sahaha madhabahum, ou il authentifie leur voix. Ça, c'est le pire. C'est-à-dire qu'il croit au Tahout au lieu de mécroire au Tahout. Kafar, il a mécru. Cette annulation de l'islam, le fait de ne pas rendre mécréant les mushrikins, il faut la détailler. Mais elle est liée au kufr de Tahout. C'est-à-dire, lorsque la personne ne mécroit au Tahout, il rend mécréant les mushrikins. Et lorsqu'il ne mécroit pas au Tahout, et lorsqu'il croit au Tahout, il donne l'islam aux mushrikins. Le premier, celui qui ne rend pas mécréant les mouchriquins, qui ne prétendent pas appartenir à l'islam, celui-là c'est un kafir bilijma. Celui qui ne rend pas mécréant les juifs, les chrétiens, les communistes, les athées, celui-là c'est un kafir. Le deuxième, celui qui ne rend pas mécréant les mouchriquins, qui se prétendent de l'islam, mais dont la mécréance fait unanimité. C'est-à-dire leur mécréance fait unanimité. Et elle fait, par exemple, c'est une annulation qui est liée à As-Suddin, à la base de la religion. Par exemple, ceux qui adorent d'autres qu'Allah, comme les adorateurs de tombes, ou Al-Rawafid, ceux qui adorent un autre qu'Allah, enfin les Rawafid anciens, qui faisaient que préférer Ali sur Abu Bakr et Omar. Ou les Hukam, qui changent complètement la loi d'Allah Azzawajal et qui font le tashri en dehors d'Allah, ce n'est celui qui ne les rend pas mécréants, c'est lui-même un kafir. Pourquoi ? Parce que le takfir de ces gens-là, il fait partie de le kofr de Tahout. Donc c'est la personne qui ne le rend pas mécréant, il a cru au Tahout au lieu de mais croire en lui, il a cru au Tahout et donc il a cru à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a mécru à Allah subhanahu wa ta'ala. Pardon. Troisième annulation de l'islam. Quatrième annulation de l'islam, celui qui suit une autre voie que la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou qui préfère un autre jugement que le jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'alladhi yufattil hukm at-tawaghit ala hukm Allah, comme celui qui choisit ou qui préfère le hukm des tawaghit sur son jugement. C'est ce qu'on a cité lorsqu'on a montré les annulations du fait d'unifier Allah par le jugement. La cinquième, من أبغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. Celui qui délaisse une chose avec lequel le prophète صلى الله عليه وسلم est venu. Cette cinquième annulation d'islam, elle annule une des conditions de la ilaha illallah. Laquelle? Al-mahabba. Le fait d'aimer la ilaha illallah et d'aimer ce qu'implique la ilaha illallah. Ici, la personne, elle déteste ce qu'implique la ilaha illallah. Donc celui qui délaisse al-hijra, celui qui déteste al-hijra, pardon, celui qui déteste al-niqab, celui qui déteste toutes les choses que Allah a légiférées, même s'il les accomplit, cette personne-là, c'est un kafir mushrik. Celui qui déteste le jihad, celui qui déteste qu'on coupe la main du voleur, celui qui déteste qu'on condamne l'apostat à mort, celui-là, c'est un kafir, il est tombé dans la cinquième annulation de l'islam. As-sadis man istahza bi shay'in min dinillahi ta'ala, celui qui se moque d'une des choses de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui se moque du Coran ou du paradis ou de l'enfer, celui qui fait des sketchs où il se moque des prophètes, comme certains tawarites en France, celui qui, se moque des religions, cette personne-là, c'est un kafir. Celui qui accepte cette mécréance, celui qui accepte cette mécréance, celui qui regarde des sketchs où on se moque d'Allah et de son messager, ou des films ou des dessins animés, cette personne-là, peut-être qu'il est kafir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, car il a accepté le kufr, et peut-être qu'il est même kafir auprès des serviteurs d'Allah sur cette terre. Alors attention à vous, ibad Allah. Et la preuve de la sixième annulation de l'islam, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Est-ce d'Allah, de ses versets ou de son messager que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez mécru après avoir eu la foi. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, comme il a dit Ibn Taymiyyah, il a établi comme quoi ces gens-là, ils avaient la foi jusqu'à ce qu'ils se moquent d'Allah et de son messager, et ils sont devenus kuffar après avoir eu la foi. Ça veut dire qu'une simple parole, sans même qasd, sans même d'intention de sortir de l'islam, fait sortir de l'islam. Iyadan billahi ta'ala. As-sabi'u as-sihr. Le septième, la sorcellerie, on ne le détaille pas ici. As-thamin mudaharat al-mushrikin wa mu'awanatuhum al-muslimin. Le huitième, le fait d'aider les mushrikin contre les muslimin. Et c'est ce qu'on a vu lorsqu'on a parlé de unifier Allah Azza wa Jal par al-wala wa al-bara. Cette unification d'Allah par al-wala al-bara, elle est annulée par deux choses qui annulent Asluddin. Le premier, c'est d'aimer les kuffars pour leur religion, ou d'aimer la religion des kuffars. Ça s'oppose à quoi? Ça s'oppose à al-kufr bit-tahout. Ça s'oppose à al-kufr bit-tahout. Et le deuxième, c'est le fait d'aider les kuffars contre les muslimines, quels qu'ils soient ces kuffars, de les aider contre les muslimines. Ça aussi, ça annule le tawhid et ça annule l'islam. Et le troisième, c'est celui qu'on a dit dans la troisième annulation de l'islam, mais les mukaffar les mushrikin, shakafu kufrihim, sahha madhhabahum, celui qui ne rend pas kuffar les mushrikin, qui ne fait pas leur takfir, celui-là aussi, il a annulé son tawhid, et c'est un tawhid qui est, c'est une annulation, pardon, qui est liée au tawhid de l'wala ou al-bara. At-tasi'u من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم neuvième annulation d'islam, elle annule aussi l'unification d'Allah, le fait d'unifier Allah par le jugement. Si on croit que certaines personnes, ils peuvent se passer de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils peuvent sortir de sa sharia. Et le neuvième, l'irad an dinillah azza wa jalla ta'allamu wa la ya'malu bih, ceux qui se détournent de la religion d'Allah, de ne pas l'apprendre et de ne pas agir selon elle. Et on l'a vu, ça fait partie aussi, l'irad, c'est aussi l'istikbar, la personne qui ne fait pas les obligations, qui ne fait pas les piliers de l'islam, qui les délaisse, cette personne-là, il est kafir. كيف نحكم على الرجل بالإسلام؟ Comment on juge qu'une personne est dans l'islam? Tout ce qu'on vient de citer précédemment, c'est l'islam al-haqiqi. Si la personne ne l'applique pas, et s'il ne délaisse pas, s'il ne mécroit pas au tarot, et s'il ne délaisse pas les annulations d'islam, donc on cite trois. Unifier Allah, subhanahu wa ta'ala, mécroire au tarot et délaisser les annulations de l'islam, si la personne ne fait pas ça, il ne sera pas musulman. C'est-à-dire, lorsqu'il meurt, il va éternellement en enfer. S'il fait apparaître cette chose-là, c'est ce que l'on vient de citer, c'est-à-dire qu'il fait apparaître le fait qu'il ne mécroit pas au tarot, ou qu'il fait apparaître une annulation d'islam, il sera un kafir pour nous dans ce monde. Et on va voir avec quelles conditions. كيف نحكم عليه بالإسلام؟ نحكم على الرجل بالإسلام بثلاثة طرق: بالنص وبالدلالة وبالتبعية. On juge qu'une personne il est musulman par trois choses, comme ça a été cité par certains ulama dans leur livre. Un nas, le fait qu'ils disent clairement je suis musulman. Je suis mouahid, je me crois au tarot, etc., etc. Le deuxième, ad-dalala, l'indication. Par exemple, la salat. La salat, c'est une indication de l'islam. إذا لم يظهر منه ناقض. Si jamais la personne y prie et qu'il ne fait pas apparaître une annulation de l'islam, c'est une indication de l'islam. C'est-à-dire, c'est une preuve pour nous qu'on juge la personne musulmane. Cette personne-là devant nous qu'on voit faire salat, pour nous, c'est un musulman. Jusqu'à ce qu'il fasse apparaître un naqid. Ça, c'est dans le cas où on sait que, voilà, si on a ces deux jugements devant nous, il fait apparaître la salat et il ne fait pas apparaître une annulation. Il ne fait pas apparaître une annulation d'islam. Ici, on le juge comme musulman, islam, hukmi. La preuve de cela, c'est la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, man salla salatana, wa staqbala qiblatana, wa akala dhabihatana. Celui qui prie notre prière, qui s'oriente vers notre qibla et qui mange notre sacrifice, celui-là est le musulman. Allah ne nous a pas demandé de chercher dans son cœur est-ce que c'est un munafiq ou quoi que ce soit. Il ne nous a pas demandé de lui poser certaines questions particulières pour savoir si c'est un musulman, s'il mécroit au tarot, etc., etc. Mais si jamais avec cette salat, on sait qu'il est dans un endroit au milieu de gens, dans lequel s'est répandu de nombreuses annulations de l'islam, il n'y a pas de mal, de vérifier, de faire preuve de vérification dans certains cas. Le ulama cite plusieurs cas. Le premier, c'est As-Salah. قال المروذي قال المروذي سئل أحمد أمر في الطريق فأسمع الإقامة ترى أن أصلي فقال قد كنت أسهل فأما إذا كثرت البدع فلا تصلي إلا خلف من تعرف في المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة المجلد الثاني صفحة 13 و400. المروذي rapport de l'imam Ahmed رحمه الله تعالى qu'il a été questionné. Je passe sur la route, j'entends l'iqama, est-ce que tu vois que je prie? Il dit je facilitais les choses précédemment. C'est-à-dire, avant quoi? Avant fitna de khalq al-Qur'an. Avant la fitna du fait que c'est répandu parmi les gens, et particulièrement parmi les imams, les qudat, etc., etc., le fait que le Qur'an est créé, khalq al-Qur'an. C'est-à-dire une croyance de mécréance, comme quoi le Qur'an n'est pas un attribut d'Allah, ça n'est pas la parole d'Allah, mais c'est une création. Il dit, lorsque les bid'a, ici c'est ça qui veut dire al-qawl bi khalq al-Qur'an, lorsque les innovations se répandent, ne prie que derrière celui que tu connais, c'est-à-dire celui dont tu sais qu'il n'est pas dans cette innovation. Ça, c'est dans le livre Ar-Rasail wal-Masail al-Marwi an al-Imam Ahmed fi al-Aqida, le volume 2, la page 413. Cette parole de l'imam Ahmed, on l'applique pas dans Dar al-Islam. On l'applique dans un endroit où il est connu que les gens pratiquent le shirk. et tombent dans les annulations de l'islam. S'il est connu dans un endroit que les gens, malgré le fait qu'ils prient, ils pratiquent la démocratie, ils prennent le jugement du Tarout, ou ils adorent les tombes, ou ils sont rawafat, ou ils sont quoi que ce soit, là, tu ne pries pas derrière n'importe qui. Et tu ne juges pas de l'islam d'une personne qui prie. Si tu sais qu'en priant, il peut aussi faire ces choses-là. Mais tu vérifies. De même pour les sacrifices. De même pour le fait de manger la viande. On a fait un darfra sur cette question-là. Et on cite une des grandes. Et on cite une des fatwas de Cheikh Mohammed ibn Ibrahim qui dit qu'on ne mange pas le sacrifice d'une personne jusqu'à ce qu'on sache qu'il remette, qu'il renie le shirk et qu'il ne le pratique pas. S'il est dans un endroit où les gens pratiquent beaucoup le shirk, et cette fatwa elle est dans Aqidat al-Muwahidin. Donc ici il y a deux erreurs. La personne qui dit Al-Asl finnas al-Islam et il juge que tous les gens sont musulmans jusqu'à preuve du contraire dans les terres d'apostasie, d'or al-Ridda, cette personne-là c'est un murji et même un jahmi, un mubtadi' qui dit je prie derrière tous les gens dans toutes les mosquées, même si j'ai 99% de chances que cette personne-là ça soit un adorateur de temple ou qu'il soit soumis au jugement de Tarout ou qu'il appuie le Tarout contre les Mouahidines. Cette personne-là c'est un murji khabith. Et il y a l'autre extrême qui dit Al-Asl finnas al-Kufr. Je considère tous les gens kuffar jusqu'à preuve du contraire. Je prie derrière personne, je mange le sacrifice de personne, ni dans Dar al-Islam, ni dans Dar al-Kufr, jusqu'à ce que j'ai la preuve que ce soit un musulman, qu'il ait répondu à mes 5-4 questions, etc., etc. Tous ces deux extrêmes, c'est deux bid'ahs. La vraie, c'est l'wasat. En fonction de l'endroit où la personne se trouve, Dar al-Islam, Dar al-Kufr, Dar al-Ridda, en fonction de cette question-là, il prend les preuves et les fatwas des ulémas, chacun en fonction du contexte. La troisième sorte pour juger de l'islam, c'est At-Taba'iyya. At-Taba'iyya, c'est le fait que le jeune enfant suit ses parents. Le jeune enfant suit ses parents. Ainsi, l'enfant des kuffars est kafir. Et l'enfant des musulmans est musulman. Et l'enfant des musulmans est musulman. Une fois qu'on a jugé de la personne qu'elle est dans l'islam, comment juge-t-on du kufr de la personne, ou quelles sont les conditions? On a vu les annulations d'islam. Pour que la personne soit déclarée kafir, il y a des dawabat, des règles, pour qu'il soit expulsé de la religion. Les choses qui font sortir de l'islam ont été divisées en trois par les ulama. Elles ont été divisées en trois par les ulama. Asl al-din, la base de la religion. Al-masal al-zahra, les questions claires. Ou al-masal khafiya, les questions ambiguës. Si la personne tombe dans quelque chose qui annule asl al-din, c'est ce qu'on a cité, les 10 annulations de l'islam, ce qu'on a cité qui détruit le tawhid, qui s'oppose au tawhid dans le nusuk, dans les actes de dévotion, s'oppose dans le tawhid, dans le jugement et la législation, qui s'oppose dans le tawhid, dans le wala wal-bara, toutes ces choses-là, s'il tombe dedans, il devient kafir automatiquement. Et il n'est excusé par aucun empêchement, si ce n'est al-ikrah. Si ce n'est al-ikrah, c'est-à-dire la contrainte. La contrainte, elle est liée aux actes des membres seulement, et non pas au cœur. Et certains ont dit non. Certains ulama ont dit que l'ikrah, c'est juste pour le qawl, juste pour la parole. Parce que le verset de la contrainte, dans Surat al-Nahl, il est descendu sur Ammar ibn Yasser, et on lui a juste demandé une parole. C'est-à-dire que la personne elle a le droit de mécroire par la parole et non par les actes. C'est ce qu'ils ont dit, certains ulama, c'est à la fin de Jami' al-Muhikam de Ibn Rajab. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innu bil iman, sauf celui qui est sous la contrainte, alors que son cœur est rempli de la sérénité de la foi, ça c'est que pour la parole et non pour les actes. Et il y a unanimité chez les ulama qu'il n'est pas permis pour la personne de combattre les musulmans dans le rang des kuffars, tout simplement en prétendant la croyance. Cette personne-là, en prétendant, pardon, la contrainte. Cette contrainte-là, elle n'est pas accepté, et ça a été rapporté ijma'an par Ibn Rajab, pareil dans Jami' al-Ulum ou al-Hikam. Donc, le shirk al-akbar, le premier, la personne est excusée si ce n'est par la contrainte. Les preuves de cela sont nombreuses, parmi lesquelles le fait que la science, ça soit une condition de la ilaha illallah, et donc ne peut pas être excusé par l'ignorance. De même, le fait qu'Allah Azzawajal, il est nommé des gens qui n'ont pas reçu le message comme étant des mushrikines. Comme dans Surat al-Tawba, « وَإِنْ أَحَدُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى أَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ » Si l'un d'entre les mushrikines, il l'a nommé mushrik, te demande l'asile, Alors donne leur asile jusqu'à ce qu'ils entendent la parole d'Allah. Il n'a pas entendu la parole d'Allah et pourtant Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a nommé mushrik. Ce qui fait dire à Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dans Al-Fatawa, قال ابن تيمية اسم الشرك يثبت قبل الرسالة لأنه يشرك بربه ويعدل به في الفتاوى المجلد العشرين dans le fatawa le volume 20 la page 37-38 il dit le nom de shirk est établi avant le message avant que lui vienne le message des prophètes car il associe à son seigneur et lui donne des égaux ça veut dire que la personne qui annule la base de la religion ou qui associe à Allah subhanahu wa ta'ala ne sera pas excusé même si le message ne lui est jamais parvenu. Même si le message ne lui est jamais parvenu. Ainsi, Allah il a nommé mushrikin tous les peuples avant que vienne leur prophète et après que soit venu leur prophète. De même, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a jugé de l'enfer pour tous les kuffars en particulier, avant que ne vienne le message. Ainsi il dit dans le hadith qui est rapporté par Abdullah ibn Ahmed ibn Abi Asim et ils ont été cités par Ibn al-Qayyim dans Zad al-Ma'ad comme quoi il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam وَمَا أَتَيْتَ عَلَيْهِ مِنْ قَبْرِ قُرَشِي أَوْ عَامِرِي il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a envoyé une personne lui a dit quand tu passes par la tombe d'un Qurashi ou d'un Amiri, c'est deux tribus parmi les Arabes, qui est mushrik, dis-lui, Mohammed m'a envoyé à toi pour te donner la bonne nouvelle de ce qui te fait du mal et le feu de l'enfer sur ton visage et sur ton ventre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit d'annoncer le feu de l'enfer aux mushrikins, des gens qui sont morts avant son message. C'est la preuve qu'il n'y a pas d'excuse de l'ignorance dans Shirk al-Akbar et que les gens avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam étaient des kuffars et qui n'étaient pas excusés par leur ignorance. De même le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit inna abi wa abaka finnar, ton père et mon père sont en enfer. C'est la preuve que le père de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est mort avant que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne soit prophète, même il est mort, il était encore qu'un enfant, il est dans le feu de l'enfer. La deuxième chose, c'est Al-Masal al-Zahra, les questions claires. C'est les questions qui sont clairement citées dans le Coran. Al-Masal al-Zahra, les questions claires, celui qui les enfreint, celui qui tombe dans la mécréance. Dans ces questions claires, il ne sera pas excusé ni par l'ignorance, ni par la fausse interprétation et ta'wil, mais seulement par la contrainte. ابن تيمية يدي رحمه الله تعالى أن سيطى المسألة الظاهرة إن الأمور الظاهرة التي يعلم الخاصة والعامة من المسلمين أنها من دين الإسلام مثل الأمر بعباية الله وحده لا شريك له ومثل معاداة اليهود والنصارى والمشركين ومثل تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر ونحو ذلك فيكفر مطلقا ملخصا من الدرر يسيط ابن تيمية لكيستيون كلير يسيط 3 choses يدي كوا l'adoration d'Allah seul sans associé ça c'est une question claire celui qui annule cette chose-là, il est sorti de l'islam, il n'est pas excusé par son ignorance. Le fait de prendre pour ennemi les juifs, les nassars et les mushrikins. C'est-à-dire ici le kafir des juifs, des chrétiens et des mushrikins. On a dit que celui qui ne les kafir pas, il a annulé son islam, il n'est pas excusé par son ignorance, c'est une question zahara. Et ensuite, l'interdiction de l'fawahish, c'est-à-dire zina al-liwat, l'interdiction de riba, l'interdiction de l'alcool, de l'maysir, des jeux de hasard, nahwa dhalik. C'est-à-dire celui qui rend permis ces choses-là, qui rend permis, qui fait l'istihlal de ces choses-là, il n'est pas excusé par son ignorance. Ça a été cité par Ibn Taymiyyah dans le volume 3 de l'Fatawa, et par les savants du Najd, par Muhammad Abdouhab dans Mufid al-Mustafid, etc., etc. Et la troisième chose sont les masail khafiyah, les questions ambiguës, c'est les questions dans lesquelles qui ne sont connues que par les ulama, ou les questions sur lesquelles les ambiguïtés des gens de l'innovation, la personne qui commettra ces choses-là, il ne sortira pas de l'islam jusqu'à ce que la shubha elle soit enlevée, jusqu'à ce que l'ambiguïté soit enlevée, en discutant avec lui, en lui emmenant les preuves, en lui enlevant ses ambiguïtés, comme les questions qui sont liées à l'iman, à la foi et à sa nature, al-qadar, au destin, à la prédestination ou certaines questions de l'A'yan sur des questions en particulier. Par rapport à l'Udhub al-Jahl, je voulais citer une question très importante citée par le Cheikh Ali al-Khudair, c'est qu'il y a une différence entre Jahl al-Hukum ou Jahl al-Hal, l'ignorance du jugement et l'ignorance de l'État. Il dit le Cheikh Ali al-Khudair dans sa Risala, Juz al-Jahl, Jahl wal-Tibas al-Hal, à la page 28, il dit quoi ? الفرق بين جهل الحال والمعنى وبين جهل الحكم بدون عمل اولا فرق بين من لم يكفر الكافر لانه يمكن فيه جهل الحال celui qui ne rend pas mécréant un mécréant en particulier il est excusé pourquoi parce qu'il se peut qu'il ne connaisse pas l'état de ce mécréant en particulier il ne sait pas que cette personne là il fait du kofr il le considère comme un musulman cette personne là on ne va pas le kafar وبين من لم يحكم على الكفر بالكفر une personne par contre une personne a fait quoi Elle ne juge pas d'une mécréance comme étant une mécréance. Ça, c'est très grave. Par exemple, elle dit, c'est vrai qu'il a invoqué un autre qu'Allah, mais ce n'est pas de la mécréance. C'est vrai qu'il a pris un législateur avec Allah, mais ce n'est pas de la mécréance. Cette personne-là, elle sort de l'islam. Et il donne un exemple. « Mithal, man sajada li ghayrillah, ou dhabaha li ghayrillah, fa huwa kafir. Wa man qala inna dhabaha li ghayrillah, laysa bi kufr, fa huwa kafir. Hada jahlu al-hukum. » Il dit quoi ? Celui qui se prosterne pour un autre qu'Allah ou qui sacrifie pour un autre qu'Allah, cette personne-là, c'est un kafir. On est d'accord. Mais celui qui dit que sacrifier pour un autre qu'Allah, c'est pas de la mécréance. Qu'est-ce que c'est aussi ? C'est un kafir. Et ça, malheureusement, on le néglige. Et ça arrive très très très souvent. C'est que les gens, pour défendre les kuffars, il y en a certains, ils disent juste, les pauvres, ils sont ignorants, ils sont excusés par leur ignorance. Et ça, on détaillera un dafs pour dire que c'est batel. Il y a de nombreux versets du Coran, la sunna, des ijma'at à l'appel pour dire que c'est batel, cette raison. Et il y en a d'autres, c'est plus grave. Ils remettent en cause le fait que la mécréance soit de la mécréance. Et ça, ça les fait sortir de l'islam. Ça les fait sortir de l'islam automatiquement. C'est-à-dire qu'ici, ils ne relient pas le tarot. Ils vont dire que voter, ce n'est pas du kufr. Choisir, nommer un législateur en dehors d'Allah, ce n'est pas du kufr. Celui qui fait ça, il y a kufr. Ou ils disent, non, mais invoquer un autre qu'Allah dans certains cas, etc., etc., ça aussi, c'est extrêmement dangereux. Ça peut les faire sortir de l'islam. On a que ta fille bihada, Allah a'alam, sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.